comme une puce. C'est vrai que c'est énervé. Oui, bah ouais, carrément. Bah non, mais aujourd'hui, j'étais en examen toute la journée. Donc voilà. Bah, arrête, c'est les vacances, qu'est-ce que tu racontes? Bah ta gueule, moi je suis en formation pour devenir chef du monde. Les formations de grands leaders, ça existe. Ouais, c'est ça, bah tu sais. Alors, il n'y a pas grand leader comme ça, Jérémy. Bah non. Et toi aussi, tu vas la faire, non? Tu l'as déjà faite, toi, la formation de grand leader? J'ai fait une partie, ouais. Voilà, le leader barbu. Donc, vous êtes dans l'émission des grandes leaderies et des grands leaders jusqu'à 21h sur Radio Campus. Il s'agit de Pyongyang City Rockers, numéro 281. Aujourd'hui, équipe presque zoo complet, même Ben Bang est dans un coin, là. Ah oui, mais regarde, ça y est. Putain, je suis repéré, là, je vais me faire tuer. Par contre, Audrey n'est pas venue. Elle s'est fait déclarer malotte. Ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, bon, bah, les autres, on va assurer. Pour l'instant, je commence tout doux. Enfin, pas trop méchant. Avec les copains de Chief Chaffs, qui nous disent, qui vous disent ce que vous êtes tous, à nouveau, dans votre tort, vrong, again, Chief Chuffs. Ah ouais. Ouais. Comme ça, direct. Ouais, vrong again. Cool, non, allez, vrong again. C'est cool, c'est cool. Pourquoi il aime Chief Chaffs? Ouais, non, il aime bien le cyrillique. Il le parle couramment, en tout cas. D'accord. Milky, que vous pourrez retrouver tous les lundis 20... Non, à 10... ouais, 20h. N'importe quoi, oui. À 20h, 21h. Pour rien n'a encore changé. Diffusé en direct sur Dougies Radio. Dougies.org. Bah tiens, d'ailleurs, c'est cool, parce qu'un groupe qui est en exclusivité sur Dougies Radio, on me demandait, ouais, t'as un inédit et tout. Oui, c'est un inédit, mais... passe déjà dans les rotations, dans les playlists de Rodriguez Radio. Il s'agit d'exclusivité, ça. Allez, il se tourne plus mon truc. Non, mais je te jure, tu devrais imprimer. Faut expliquer aux téléspectateurs de la radio que en fait Gaël il a plus un papier parce qu'il a plus d'imprimante et donc maintenant bah il écrit un truc sur son ordinateur, il se l'envoie puis il le lit sur son téléphone. Mais téléphone, je sais pas une sorte. Voilà. Bah non, mais enfin c'est intéressant de savoir comment on fait l'émission. Behind the scene. Ouais, exactement. On devrait faire des visites, d'ailleurs, on ferait payer. On serait riche. Riche, tu crois? Ah ouais, ouais. Ah, je te dis, moi, j'apprends à devenir chef du monde, c'est bon. Hein. Regarde, les sorties, c'est pendant les vacances et il n'y a personne. Tout, il va se monétiser, ouais. C'est... Bah si, il y a fiche, là. Bon, ouais, allez, vas-y. On en a entendu parler depuis des mois, on l'attend au moins depuis autant de temps. Ça y est, l'album de Cran est enfin dispo le 23 février, donc dans une semaine, sur le label Une Vie Pour Rien. Alors, il a été enregistré il y a un petit bout de temps quand même, hein, en novembre 2021, à la même période que la compilation Paris en œil, qui avait déjà mis longtemps à sortir, un an après. Et ça a été enregistré par la même personne, par Alex Mazarguil, chez UFO au frigo à Paris. Alors, il a été masterisé par un mec qu'on dit assez souvent à Pyongyang City Rocker, Daniel Hussein, au North London Bomb Factory. Maintenant, c'est le dire sans l'écorcher. Ouais. Hein. Alors, sur cet album, c'est Cran, c'est Ed au chant. Donc la Lilloise, maintenant parisienne. Ben à la guitare, le Toulonnais, maintenant parisien. Félix, je sais pas vraiment. Ah ouais, il est savoyard, maintenant parisien. Oh là là. Et Louis, je ne sais pas d'où tu viens, mec, mais tu viens et tu vis à Paris, maintenant. Il est au fût, lui. Alors, ils ont décidé d'appeler cet album Nat, avec des trémas sur le E. Mais ça se prononce quand même Nat, ou Nate, en anglais. Nate. L'artwork qui a été confié, attention, roulement de tambour, à Jeanne Smith from Lille City Suicide. Trop bien, voilà, elle est pas de Paris. Elle est de Lille, là. Non, elle est des Américains de Lille. Le groupe présentera son album, a présenté son album lors de deux dates la semaine dernière à Londres. C'était avec Kaleko Urdangak, donc pendant une date à Londres et une date dans un festival à Derby. Et puis, ben, il y a peu, le groupe a créé son Bandcamp, donc vous pouvez tout réécouter, ce qu'ils ont sorti depuis le début. Ça se passe sur crampunk.bandcamp.com. Et moi, je vous propose un petit morceau, donc en, on va dire en exclusivité non droguise. Il s'appelle L'amour. Et voilà, c'est extrait de cet album qui sortira donc le 23, la semaine prochaine, sur Une Vie Pour Rien, le label de Nantes. trash mais joli à la fois. C'était l'amour cran sur Radio Campus Lille 106,6. C'est rare qu'on passe des trucs d'amour. Bah ouais. C'est l'amour, mais c'est l'amour vache, parce qu'on déconne. L'amour, l'amour, là. Ouais. Bon. Ouais, tu veux me revoir, ouais, tu peux bien crever, même pas pour un soir. Ah, je n'ai plus de pitié. Ah, ben voilà, ça c'est bien, ça, c'est bien. Ça va. Ça est raccord avec les thèmes généraux de l'émission. Voilà, et puis, bah, tu vois, c'est le petit côté lillois, même si c'est pas écrit par la Lilloise. Il y a quand même l'inspiration lilloise qui commence à déteindre. Mais sur les bien sûr, attends, vas-y, c'est les meilleurs. Joie de vivre, quoi. T'as vu? Ouais. Wow, on va rester dans l'inspiration du Nord. Et alors, maintenant, oui, voici le spécialiste de l'émo punk hardcore. Ouais, Jérémy. Ouais. Il faudra un générique, un jingle. Je vous propose de découvrir Niki Loda Firefighter. C'est le nom du groupe. Avec leur morceau. C'est le nom du groupe. Oui. One pint. Pas la vie. One piece. Donc, une pinte, un pissou. Hein, c'est bien, non? C'est logique. Oui. Ah, one pint, one piece. Ouais, ouais. Ouais, une bière. Ah oui. Un bibi. Ah oui, c'est valide. Validé. Voilà, du coup. Tout dépend aussi de la taille de la bière. Des fois. Et la nationalité de la bière. Et du coup, vous allez me dire, Niki Loda Firefighter, c'est quand même. Parce que Niki Loda Firefighter, il doit pas avoir la bière belge. N'importe quoi. Mais en fait, Niki Loda, c'était un pilote de F1 autrichien. Bah oui, bah oui. C'est pas ça. Trois fois champion du monde. Mais moi, je ne savais pas. Je suis peut-être trop jeune. Ah bah, je suis cramé. Justement, il s'est cramé la gueule en 75. Ouais, comme en 76 plutôt. Ouais. Juste après son premier titre. Et comme, même après s'être cramé la gueule, trois semaines après, il est revenu dans le championnat direct. Revient dans le son. Et il a après ensuite gagné encore deux championnats. Donc quand même, c'est un beau combattant. Hein. C'est ça que les nazis, hein, t'es jamais débarrassé. Regarde, la citadelle qui va voir, ça va te parler. En tous les cas. Ça faisait penser un peu à Ian Stewart, c'est ça. En tous les cas, ce groupe, il existe depuis peut-être quelques années, 2-3 ans. Et c'est la première fois qu'il sort un EP ce mois-ci. Un EP 4 titres. Et du coup, je vous propose un extrait. Ouais. Tu les as vus sur scène? Ça vaut quelque chose? Non, j'ai pas trouvé de vidéo non plus sur scène. Est-ce que c'est le feu sur scène? Faudra aller à Berlin pour ça. Bon. FFO, Jody Faster, hein. For Friends of. For bah Friends ouais. of. Ah, ça va. Ouais. Pour les fans de. Ah, le emo punk hardcore comme Jody ça, Faster, c'est plutôt pas mal. Non, je croyais que c'était de l'emo punk parce qu'il avait parlé de ça avant, mais non, en fait, il nous faisait une ruse. Je vous ai fait une feinte. Imagine le emo post-hardcore ou le emo post-punk. Ou Madcore. Le Emo Madcore. Emo Mat, ouais. Ouais. Oh, il y a des trucs bien. Si, il y en a. Hein. Ah, ouais, il y a des trucs on bien. On est sur un morceau déjà de 15 minutes. Jérémy Mou, on est d'accord. Il est 20h16, l'antenne de campus. Non, 20h18, putain, je suis de pire en pire, hein, les horloges qui marchent pour l'eau. Mais j'ai combien là, j'ai 16, moi. Moi j'ai 16. Je crois que tu es plutôt 16, bientôt 17. C'est 16. Ah, bah, 17, il est 20h, presque 17, sur campus, émission. Pyongyang, City Rockers, numéro 281. Bonjour mesdames, comment allez-vous? C'est qui? Bonjour. C'est Célia. Allez, c'est Lio. Ah, c'est moi? Merde. Ok, d'accord. Il y a un téléphone en écran de veille en plus. Repose-toi ton micro. Là. Certaines choses ne se pardonnent pas. Alors, j'avais envie aujourd'hui d'aller vers la Hollande, hein, l'autre pays du fromage. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je dois vraiment parler dans le micro. Il faut juste pas lécher la bonnette. Du temps d'écrasant la vermine, on disait la Hollande, l'autre pays du hardcore. Et il y avait aussi la Finlande. Ah bah justement, on va vous passer un morceau du groupe... À chaque fois, comme on dit chez moi, je fourlâche sur le nom. Asbest Boys. Ils et se sont pas facilité la tâche, les mecs. Ils vont jouer dans pas longtemps, non? Mais justement, c'est pour ça que j'en parle, voilà. Donc, ils sont originaires de Haarlem, à côté de Amsterdam. Et donc, c'est du punk hardcore et c'est composé de 4 membres, dont certains sont issus d'autres formations, comme Tender Chunks in Gravy. Moi, ça me donne faim. Hein, qui est plutôt du garage punk. Bah oui, de Gravy. Ouais, bon, bref. Ou encore Baby Shaker. Des quoi, Chunks? Chunks de quoi? Tender Chunks in Gravy. Ah, des morceaux tendres dans du gravy. Des voilà. Tender Chunks. Des tiobous. Bon, alors, dans vous la allez me pourrir mon truc. Oui, bienvenue. Ou alors Baby Shaker, que je ne connais pas du tout, donc je ne vais rien en dire. Ils ont sorti un premier LP en vinyle, donc en 2021, sur le label hollandais Gips Records, intitulé... Asbest Boys, c'est original. Oui. Donc, où on peut trouver 14 morceaux bien péchus, et cet album, il est ressorti en 2022 en format cassette sur le label Heath Ruida. Ça sollicite mon néerlandais là. Je suis à fond. Et donc, pour ceux qui seront sans aucun doute. Je vais aboyer. Pour ceux qui seront sans aucun doute emballés par les douces envolées lyriques de ce groupe, sachez qu'ils jouent 3 dates consécutives, c'est 16, 17 et 18 février, respectivement à Paris, au Rigoletto, à Bruxelles, au Schaff, et à Aix-la-Chapelle, au Lola Paroli. Oui. Et on s'écoute à présent le 3e morceau de l'album qui s'intitule No Sleeping. Mais du coup, on s'écoute pas, mais on va écouter. Ouais, bon, ça va. C'est quoi cette histoire? Je dois recommencer tout. No Sleeping avec Asbest Boys. To asbestos, for this is a remarkable essayer de redire le nom du label là. Heath Ruida. Je pense, j'en suis pas sûr. C'est quelqu'un, hein? Je pense pas. Si, il s'appelle Gert. Gérard. Bah Gérard, quoi. Ah, tu sais, comme Gérard en français, quoi. Ça va, Gérard? Le bon. Lillois par les Flamands. Non, chez, le Flamand par les Lillois. Chez qui ou chez nous chez... Comme tu veux. Bah allez, Célia, vas-y. Allez, et ben moi je vais vous passer un morceau de Matraque Attack. Ouais. Ouais. C'est un groupe franco-italien, belge, un peu de partout. On sait plus européen, quoi. Ouais. ils ont sorti un, ils viennent de sortir un split avec Persona Non Data. Il sort en mars, mais les morceaux ils sont déjà sur Bandcamp. On peut déjà les écouter. Tout se perd. Avant, il fallait religieusement attendre la sortie du support physique, même quand il y avait déjà Bandcamp. Et maintenant, ils ont opéré de ce coup. Et vas-y, boum, je balance. Il faut dire aussi qu'avec la pénurie de vinyle. Bah, c'est un peu ça, je pense. Ouais. Et du coup, le morceau s'appelle Into Their Eyes. Matraque Attack, ils sont en concert ce week-end au CCL vendredi soir. Avec Montagne, Goumo et Traquenard. Ouais. Et il y a le grand leader Ripple qui joue avec eux. Ah, ouais, c'est vrai, il remplace. Ouais. C'est ça. Ils seront le 18 à Bruxelles avec Travolta et le 19 au BNR avec Travolta aussi. Ouais. Avec une super affiche. Hein. Vous allez sur shpunk.org pour voir l'affiche de. du concert de Travolta et ouais bah ouais je place le concert de Travolta et Patrick Attack dimanche Patrick Attack j'ai compris Patrick Attack Patrick ouais bah Patrick Attack là je suis moins énervé donc je suis malade t'es moins énervé bon bah on envoie alors hein ah ouais mais Patrick Attack Into Their Eyes okay. Take a solution to improvocation. Don't be say you just the tea. I wonder what I want you to have on. Say you embrace. I wonder when to shoot to all. Say you're afraid. I wonder that I want you to know. Say I'm the one. So these are first. In all the cases. In the solution. To reformation. Les Sub Kids de Dunkerque avec Don't Be the First. Je me suis vraiment pas fait chier ce soir pour faire ma sélection. J'ai pris les premiers trucs qui venaient. Et forcément, quand en ce moment je m'écoute plein de rock'n'roll. et tu t'écoutes toi-même quand même. Et eux, les Sub Kids, c'était vraiment des rockers. Ils arrivaient sur scène, là. Entre les morceaux, c'était ouais, rock'n'roll. Comme ça. Bon, les punks étaient un petit peu interloqués, quoi. Mais c'est, en même temps, ils étaient très clashiens, très clashesques. Et c'est tout bien. Voilà. C'est toujours bien d'ailleurs. Bah, c'est toujours bien. Et moi, je te propose de continuer avec un groupe qui vient d'émerger en Oregon, qui s'appelle Wellier. En plus, ouais. Well, virgule, yeah. Oh, well, yeah. Well, ouais. Yeah. Un groupe émo, hardcore punk, comme tu me dis. Encore un groupe d'émo. Ils font pas du fougueux. Voilà. Sorti il y a quelques jours. Ah, il faut pas du un petit peu. Ah d'accord. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure sur ton papier là. Enfin ton. Tes notes. Tu triches. Bah, en tout cas, j'ai pas trouvé. J'ai bien fouillé. J'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos sur ce groupe. Je pense que il commence et bah peut-être un groupe à suivre. En tout cas, je pense que ça aurait plu à notre grande leadrice Audrey. Ouais. Well, yeah. Avec leur morceau Annie Kai. Ouais, c'est imprononçable aussi. J'ai choisi que des néerlandais. De toute façon, je choisis toujours des titres que je ne peux pas prononcer. C'est un principe. Voilà, tout de suite, les Américains de Hermaston. Ben voilà, j'espère que mon petit émo, il vous a plu quand même. Hein. Ah ouais, c'est pour vous radoucir un petit peu avant de vous en prendre plein la gueule. Hein. Ah ouais, là, on va changer de style totalement, là. On va parler d'un split qui est sorti la semaine dernière. Alors, Primator Crew et Chrome Records, ils se sont associés pour sortir le split 7 pouces qui rassemble le temps de 4 chansons, deux groupes, on va dire, cousins. Pour la France, ce sont les Parisiens de Akran qui nous balancent deux nouveaux morceaux, bien que pas super récents. Il me semble que ces morceaux ont été enregistrés eux aussi en 2021 par Vincent Plomb, et le mec de Turbin aussi. Et c'est lui, une fois de plus, qui fait le sac sur certains morceaux d'Akran. Ça a été enregistré à la main d'œuvre. À noter aussi la participation de Ed de Cran, qu'on a entendu tout à l'heure, de Clément des Von Bastards, de Jeanne Smith, une fois de plus. Encore de l'ardente, mais cette fois-ci, elle fait des wow, wow. Et il y a aussi, elle sait tout faire. Et il y a aussi Semtex de Rascals, donc c'est quatre gaillards au backing vocals. Pour la face Québec, il s'agit d'Ad Vitam. C'est un peu eux les investigateurs du projet. Et ils proposent aussi deux nouveaux morceaux. Ils nous avaient annoncé leur split l'été dernier. Et ben que nenni, ils sont de retour avec ce vinyle 7 pouces. Toujours ce chant en espagnol. Ça allait savoir pourquoi, je n'en sais rien. Mais moi, je trouve que ça se prête plutôt bien sur leur oeil teinté de sonorité à la Templars. Les Montréalais ne décevront pas les amoureux des premiers enregistrements. C'est fait en béton armé, c'est carré, ça envoie. Ça a été enregistré par Chani au studio No Man's Land. Rien à voir avec la salle à côté de Nantes. Hein. Que dire de plus ? Ben, écoutons. In Extremis pour Akran et Undia en Texas, qui est une reprise de Paralysis Permanente pour Ad Vitam. Voilà. Radio Campus Lille 106,6, c'est toujours l'émission 181 du Pyongyang 200, City. Rockers. 200. Ouais. Ouais. J'en ai oublié 100, tu vois. Merde. C'est fou. Allez, à cran, les gars. Oui. Ouais, à cran. Voilà. Ricanement. Mais pourquoi? Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 20h42 et c'est toujours l'émission Pyongyang Steel Rockers numéro 281. On vient d'écouter Ad Vitam avec leur morceau Un Dia en Texas. C'est ça. Bravo. Un jour au Texas. Wow. Au Texas. Wow. Ouais. Eh, je précise que je n'ai pas fait espagnol à l'école. Oh, bravo. Alors là, c'est encore mieux. Bien, quand même. Et Célia, t'as fait espagnol, toi? Ouais, j'ai fait espagnol à l'école. Pour la qui, pour la car, eh. À quoi qu'on gagne, c'est le hasard. J'ai fait allemand. Bon, ami, me gusta la paella. Je suis le seul à avoir fait sieste, du coup. Si on fait le même truc en italien, il va y râler, tu vois. Bon. Ah, mi piace molto la pasta. Non, la paella. La pizza. Du coup, moi, je vais vous passer Gumo. Ah ouais. Ouais, comme ça. Comme ça. On parle de paella, du coup, t'as pensé à Gumo. Tu veux revenir à des gens du coin, c'est ça? Bah, c'est ça. Professeur. Non, mais vu qu'ils passent aussi ce week-end, c'est eux qui organisent la date au CCL. Du format de choses. Ils ont du nouveau, non? Ils ont de l'actualité. C'est quand? C'est vendredi soir? Non, même soir, pas. Enfin, ils ont des nouveaux morceaux, mais qui sont pas encore sortis. Ouais, c'est vendredi soir. Et moi j'ai choisi une reprise de Jodie Foster. Pour dire, je passe un groupe, mais il y a deux groupes en même temps. Tu as des accointances avec ce groupe? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu vois avec un t-shirt Jodie Foster. Non, je. Ok. Je les connais un petit peu comme ça. Et le morceau s'appelle Le morceau s'appelle Where's the Girl. Il est sorti sur l'album A Fresh Breath on the Neck, qui est sorti en 2021. Ouais. C'est leur dernier album en date. Et est-ce que c'est le meilleur morceau de Gumo? D'après toi. La grosse question. Non. Piège. Non. Non. Ok. C'est là qu'ils apprennent mal. Sinon, faut dire. Non, ils apprennent bien. Je les laisserai ce serait leur meilleur morceau. Ils apprennent bien, mais ils ont d'autres bons morceaux. On leur demandera. Bisous les Gumo. Allez, tout de suite, We Are All the Girls de Gumo. Recentrons. C'était le quart d'heure marseillais de Stéphane. La fiche qui s'envoie. Allez, dis au revoir, tout ça fiché Antonin. Salut Antonin. Bis. Merci d'être venu nous écouter à la radio. Tu sais, les auditrices 7h, ils sont quasiment comme dans le studio. Là. Ils savent tout ce qui se passe ici, ailleurs, dans les locaux. C'est bien une zocine, on a dit. Bien une zocine. Du coup, mon cher ami Stéphane, bonjour. Je te propose de découvrir un nouveau groupe de Leipzig qui a à peine 3 concerts à son actif, qui va faire son 4e ce week-end. T'es déjà au courant. Qui s'appelle Cold Summer. Groupe de coups de Cold Punk, post-punk, tout ça. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont joué dans des groupes qu'on a déjà diffusés? Genre Pisseux, des trucs comme ça, non? Mais bah non, j'ai pas l'impression. D'accord, bon, voilà. T'as pas été vérifié. J'ai vu des vidéos, mais j'ai pas reconnu les gars. Ah, on va faire une autopsie. Voilà. Nous allons creuser, en tous les cas. Leur morceau s'appelle Niemen, ça veut dire personne. Niemann. Surtout, c'est le métier. Le métier. Ça parlait de sodomie juste avant. Ça parle de boulot, sodomie. Je sais pas ce qu'ils font au boulot, mais. Folle sodomie. C'est pas du tout ce qu'on a voilà. Si vous avez un emploi pour monsieur Stéphane, n'hésitez pas. Grand leader Stéphane, cherche un emploi. C'est un groupe suédois qui s'appelle Parlamentarisque Sodomie. Mais qui se font du crust, je crois. Quasiment power violence. Là, ça n'était pas du power violence, c'était du post-punk, mais plus post, alors que le tien avant, c'était plus punk que post. Donc voilà. Et pourtant, ils datent d'avant, alors qu'ils sont plus post. Mais je crois qu'on a perdu Schnapps. Voilà, non, mais c'est fini. Il va nous mettre un message sur Instagram, c'est tu vas voir. Punk, ça va être bien. C'était donc un groupe issu de la riche scène de Mönchengladbach de 1982, enfin du début des années 80, où on trouvait, ouais, ils étaient déjà actifs à l'époque, les Allemands, mais tu les retiens pas, c'est ça. Ils ont jamais fini. Et eux, ils avaient même pas, enfin, ils avaient déjà commencé. Donc ce groupe, c'était Moloko Plus. Ils nous parlaient de leur cauchemar, Albtraum. Puis, bon, ils faisaient partie de la équipe que des gens un peu plus connus, et là je sais que ça va rigoler, ils vont se moquer comme Deutsch Nepal ou Majirazzo. C'est sûr que c'est voilà. Pas allemand ça. Deutsch Nepal, ouais, carrément. Bah, ouais, ah, mais Nakirazzo, ça fait plus sans fumer quoi. Et bah, faudra que je le passe, un de ces quatre, c'est vachement bien. Et donc je répète, Moloko Plus, comme ça, c'est comme le tricheur de tout à l'heure, quoi. On aurait pas dit qu'il était autrichien. Mais du coup, tu répètes, donc ça prend autant de temps de parole. C'est ce qu'on vient d'écouter. 5 minutes. On passe quoi maintenant, Charles ? Eh ben, je pense que Gaël va nous présenter un super morceau de... Sors ton engin. Ah ouais, bah attends, faut que je trouve... Arena 6. Là, ouais, Arena 6. Arena 6, comme on dit en basse. Ma prononciation, tu sais très bien, est pas terrible. Hein. Alors, le groupe Arena 6 s'est créé en 2019 sur la côte de Gascogne. Alors, je pensais, j'ai regardé Gascogne, t'es sérieux ? En fait, la côte de Gascogne, ça va de la Bretagne jusqu'au Portugal. La côte atlantique, quoi, on va dire. Ouais, c'est la côte du golfe de Gascogne. Voilà. Ouais, d'accord, ok, putain. On va aller géographiquement, ils sont de Algorta au Pays Basque. Et Algorta, c'est un... Au Pays Basque, en Espagne. On va dire un neighborhood. En France ou au Portugal? Pas au Portugal, il n'y a pas le Pays Basque au Portugal, Jérémy. Le Pays Basque au Portugal. Oula, dis pas ça, tu vas te faire. Tu vas te faire. Attention, les mecs, ils vont venir. Algorta, c'est dans les suburbs. De Bilbao, c'est à la plage. En lieu, c'est plus facile. Hein, voilà. Allez, c'est en 2019 aussi, en grande partie à cause de cette pandémie mondiale, que le groupe a subi quelques changements dans sa formation. Et reprendront les répétitions quelques mois plus tard. J'ai demandé une petite bio là au groupe, hein, je ne l'invente pas. Alors le groupe, il a sorti son album Héros de Cétatique en janvier 2022. Un ouvrage dans lequel les 10 premières chansons du groupe sont regroupées, entrecoupées de basque, la langue maternelle des membres du groupe, et l'espagnol. C'est un peu obligé. Enfin, le groupe sort au mois de février 2023 un nouvel EP, 3 titres qui s'intitule, attention, Bereizezinak. T'es souhait. En un seul coup. Hein. Ouais. Bérésino. Une dédicace à tous ceux qui ont été aux côtés du groupe depuis les débuts, peu importe les kilomètres, les heures et les jours. Donc autant dire, un EP fraternel. Taupadaka est une chanson qu'on retrouvera sur l'album Bérésésinac, une deuxième fois sans fourcher, qui a été enregistrée, mixée et masterisée au studio Sounds of Sirens à Pamplune, Irunia pour les Basques. Et c'est aussi le même studio que Streetwise, dont on parlera la semaine prochaine. Ça se chope via Tough Ain't Enough, sans fourcher non plus, et certainement via une des distros françaises habituelles. Il y a un clip qui a été tourné pour ce morceau, et il y a aussi un deuxième extrait qui est disponible, qui a été dévoilé, le morceau Legendario. Mais nous, on va écouter le morceau Taupadaka tout de suite sur Radio Campus Lille. C'est Arena 6, on vous en parlera vraisemblablement beaucoup plus dans les mois à venir. On les vend. Bah non, vas-y, envoie là. Alors, hein, engueulage en direct. Oui. Allez, c'est on pas fini, voit, en fait, là, il y a 20 secondes de blanc à la fin. Il est 21h en même temps. Ah non, il est pas 21h, normalement je n'ai pas à l'heure. Il pense que oh là là, ça c'est extrêmement troublant, oui, oui, je vois. Ah, écoute ça. Plus fort, plus fort, plus fort. Vous aimez ? Bling bling, du néo folk. En général, le néo folk, c'est de la musique qui est plutôt prisée par les faf et tout. Là, eux, non, justement. Donc, à un moment, ils se sont arrêtés même parce qu'ils avaient trop de faf à leur concert. Ça leur revenait pas, je te jure. Ça s'appelle Guy Bolg. Ouais, ouais, c'est okay. Des gens qui sont en Bretagne, enfin, qui étaient en Bretagne. Je voulais le passer ce soir pour finir cette émission, vu que le titre, c'est Miel en mortadelle. Et oui, elle est morte, Adèle. No shit, Adèle. Oh là, bravo. Bravo, c'est la grosse. Voilà. No shit, Adèle, bravo. Eh bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On est content. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, pour le 282e. On n'y est pas d'ici là. À cab. Oh, le color va beautiful.